Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terra Incognita de 22h et minuit. Vous êtes en compagnie de Bruno Côté, de Jean-François Lamarre et du groupe Universe FX. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est Francis et... Dominique. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre cheminement qui a mené à l'enregistrement de ce disque que j'ai entre les mains, là, qui s'appelle... In the Haze That Surrounds Us. Ah, je voulais savoir si vous en rappelez. Ben en fait, c'est ça. Le band, un peu comment c'est né, c'est que peut-être vers la fin du secondaire, on a commencé à jouer du prog justement ensemble. On faisait des covers de groupes comme Liquid Tension. On a commencé instrumental. On était juste quatre à cette époque-là. Il n'y avait pas encore de chanteurs. Puis c'est ça, au départ on jouait un peu de tout là, du Dream Theater, on était tous des fans de Planet X, Symphony X, ce genre de groupe là. En fait, c'est ça, on s'est dit qu'il y avait une bonne chimie dans le groupe, puis on s'est dit, hey, ce serait hâte de faire des compos, puis fait que ça a commencé comme ça. On a commencé à composer une pièce, puis de fil en aiguille, on s'est dit, hey, ben là, ça me prendrait un chanteur. Puis au départ, la première pièce qu'on avait composée, elle laissait peu de place au vocal, fait qu'il a fallu tout réarranger, puis encore des idées de cette première pièce là qu'on retrouve sur l'album In the Haze That Surrounds Us. Ce qui est magnifique en passant, un disque de 70 minutes et on retrouve un peu toutes sortes de choses là-dessus. Là. Mais en fait, je pense qu'il y a une belle unité, mais je veux dire qui est variée. Là. C'est pas du double bass drum là, d'un bout à l'autre, là, non, comme on entend ça. Souvent. On essaie de piger le plus possible dans toutes les expériences, puis toute la musique qu'on peut écouter chacun de notre côté pour diversifier le plus possible notre musique, parce que c'est sûr que nous en fait on compose à 5, ce qui peut paraître particulier là, contrairement à plusieurs autres groupes. C'est pas quelqu'un qui arrive avec déjà une pièce écrite, puis on joue ça un peu en groupe, puis c'est ça finalement. On arrive chacun un peu avec des idées, puis on développe autour de ça, puis faut toujours que tout le monde soit d'accord pour mettre le saut là, final sur la pièce. Puis je trouve que c'est ça qui donne un peu notre identité, puis qui empêche justement qu'on ressemble trop à un groupe en particulier. Puis ben justement, à ce sujet-là, dans votre dossier de presse, faites référence à des groupes comme Dream Theater, Rush, Opeth, Steven Wilson. Et ben on dit que Universe Effect livre une musique rock, metal, progressive, dynamique, épique, créative et raffinée. Et ben, vous sentez-vous proche des formations qu'on vient de nommer? Ben, je pense que oui, d'après ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant. Ben, on peut pas nier l'influence que ces formations-là ont eue sur nous, mais je pense que c'est un heureux mélange de tout ça, si on veut. Ouais, ben c'est ça. C'est un mélange de tout ça, puis on essaie toujours que c'est sûr que l'influence la plus grande, c'est sûr que le monde va nous associer souvent à Dream Theater. Mais on essaie quand même d'avoir il y a beaucoup d'influence un petit peu plus comment je pourrais dire. Je parle de Steven Wilson, c'est un petit peu plus atmosphérique comme musique. On essaie aussi d'exploiter ça un peu dans l'album, puis que ça soit toujours de bon goût, tu sais, de pas justement mettre de la double pédale tout le long d'une pièce, ou qu'il y ait quand même beaucoup de moods différents dans la même pièce. Tu sais. Je prends mettons Equilibrium, on passe beaucoup de la pièce Equilibrium sur l'album, on passe de une intro acoustique après ça devient plus rock, après ça on va dans une section plus orchestrale, après ça redevient balade piano, tu sais, on va chercher beaucoup d'ambiances différentes dans le même pièce. Puis je pense que c'est ça un peu la force du groupe là, c'est qu'on n'est pas fermé sur une seule idée, tu sais. D'où qu'on voulait vraiment ajouter le rock metal progressif, parce que souvent on entend metal progressif puis on pense souvent à des groupes comme Symphony X ou Circus Maximus même, ou des groupes plus scandinaves, mais qui sont mais je trouve qu'on s'identifie, on peut pas être identifié qu'à ces groupes-là, puisqu'ils sont beaucoup plus metal que nous. Je trouve on va puiser des dans plus de styles, que plus d'influence que ça quand même là. Effectivement, moi j'aurais de la misère à vous qualifier de prog metal, même s'il y en a un petit peu. Mm-hmm. Si on pense à la première partie de votre suite d'une demi-heure. Là, oui, là. Oui. Celle-là est un peu plus metal, mais disons qu'en général, moi je trouve que c'est moins prog metal que Dream Theater. En passant, Dream Theater vient d'en sortir un. Je l'ai avec moi, on va en écouter une pièce tantôt. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de l'écouter beaucoup cette semaine. Disons que je pense que j'ai écouté plus de Universe FX cette semaine. Et on dit que la formation a travaillé d'arrache-pied pour autoproduire, on va en parler mm-hmm. tantôt un petit peu de l'autoproduction, mm-hmm. et offrir une qualité de composition et d'enregistrement de calibre mondial pour son tout premier album intitulé « In the Days That Surround Us ». Comment s'est déroulé l'enregistrement de l'album et parlez-nous un peu des principaux collaborateurs. J'ai vu qu'il y avait des grands studios là, qui sont nommés. Effectivement, là-dedans, en fait, c'est ça, c'est sûr que tous les membres, quand on a fait ça, c'est que tous les membres contribuaient à financer l'album. On est vraiment cinq là-dedans à avoir contribué financièrement. Puis il fallait faire les bons choix. On voulait pas aller à demi-mesure sur une production, tu sais. On voulait vraiment, tant qu'à sortir un album, aussi bien le faire, puis mettre le paquet, on pourrait dire. Maximiser notre budget, dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a quand même fait des recherches, là. Ouais. Aller visiter un peu des studios à Montréal, puis sur le net quand même, là, en se basant sur les albums qui à notre oreille sonnaient à notre goût, pour voir comment on pourrait produire le nôtre. Là. Mais un gros 10 de 70 minutes, combien de temps que ça peut prendre pour réaliser tout ça? Puis il n'y a pas vraiment de répétition, on peut pas dire que les pièces se ressemblent. Là. Pour ce qui est de la composition, là, c'est assez long et laborieux, là, puis c'est sûr que c'est notre premier aussi, là. Il y a plein de méthodes de travail que déjà on a beaucoup amélioré, mais pour ce qui est de la production, je dirais, là, une fois que la pré-production était toute déjà faite, puis qu'on dit qu'on rentre en studio, ça a été un bon 6 mois, certainement. Ouais. Ben, si on a, mettons, booké un premier studio, en fait, on a enregistré la batterie dans un studio qui s'appelle Le Wild, ouais. Qui est situé dans la Naudière, à Saint-Zénon. Le studio à Pierre-Rémillard, là, qui a fait beaucoup d'albums autant dans le pop à Montréal que dans le métal. Oui. Ouais, dont Martyr, un groupe de métal qui a quand même bien marché au Québec. Puis c'est ça, en fait, on savait que c'était vraiment une belle place pour faire sonner le drum, fait qu'on est allé là parce que c'est un chalet, c'est tout en bois, fait qu'il y a une belle réverbération de la pièce. Fait que c'est un peu comme ça, on a visité une couple de studios et on s'est dit, on va enregistrer la batterie là, puis après ça, on s'est dit, on va faire affaire avec Antoine Barry du Hémisphère Studio qui est situé à Saint-Rédempteur, pardon. Fait que c'est ça, on a enregistré le reste des instruments au studio Hémisphère. Fait qu'en fait, c'est ça, ça nous a donné on a réussi à faire rentrer le budget, tu sais, que ça rentre dans notre budget, en fond. Après ça, c'est ça, le mastering. Moi, j'écoute beaucoup de, justement, Opeth, qui est une influence, puis tout ça, Catatonia, tous les albums que je trouve qui sonnent dans le métal, c'est toujours il y a une personne, c'est Jens Bogren qui a mixé ces albums-là, puis lui il offre un service sur internet, son studio qui s'appelle Fascination Street Studios, en fait c'est ça, on a vu qu'il offrait le service de mastering en ligne, fait que à la fin du mixage, à l'étape du mixage, ben on a envoyé notre mix à Jens Bogren, puis il y a quand même des bons prix, fait qu'on on a fait affaire avec lui, fait qu'on a de quoi de super de qualité internationale sur l'album, puis c'est un peu comme ça qu'on a réussi à tirer le maximum de notre budget, du budget qu'on avait, vu que c'est un auto-financement. Puis même si on n'est pas que metal comme groupe, on cherchait quand même à avoir le certain punch, puis la grosseur du son des grosses productions metal quand on allait dans ce style-là dans nos pièces. Puis lui, il avait fait ses preuves avec, comme Francis le disait, avec plusieurs bands, là, dont même Symphony X, les derniers Haken aussi. Si on avait une garantie qu'il allait faire sonner l'album, t'sais, qu'on n'allait pas, excusez l'expression, mais se planter, tu sais. Ouais, ça, puis on n'a pas été déçus, honnêtement. ça a vraiment fait une différence là, sur le produit final. Ben là-dessus, je pense que c'est bien réussi. Et ben, pour s'en donner une idée, on va écouter la pièce titre de votre album. Donc, In the Haze, That Surrounds Us. Surround us. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue dans La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clé, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince égographie et une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de l'étain, j'ai opéré, j'ai emporté. Non, je reçois. Chérie, réveille-toi. Oh, je réveille que j'étais à La Barberie. À La Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Le plein air, la foule, sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Et on a entendu Elephant Nine et Rain Fiske de l'album Silver Mountain. Et c'est extrait du CD sampler de Progressis, numéro 83, un nouveau numéro qui vient de sortir. Et on en parlera un petit peu plus longuement un peu plus tard. Et parce que juste avant, on avait Universe Effect et la pièce, ben, c'était pas Yes That's Around Us, c'est une erreur de ma part. Et c'est la pièce Against the Influence qu'on a entendue. Donc la pièce qui ouvre l'album, un petit peu plus élevée que celle que j'avais choisie. Et ben, on est de retour avec Dominique et Francis. Et ben, moi, je voulais vous parler de la pochette. Moi, que je trouve que la pochette et le livret sont très, très soignés. Une belle illustration, donc un produit très professionnel. Et ben, je me demandais, un jeune groupe autoproduit, comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau de professionnalisme? Ben, je pense que c'est tout le temps dans la recherche. Dans le fond, nous, on a procédé un peu de la même façon pour tous les aspects de l'album. Puis pour ce qui était du graphisme, là, c'était un peu pareil. On a regardé ce qui nous plaisait chez les autres. Puis on a trouvé un artiste d'ici quand même, là, de Sherbrooke, qui est Daniel Bérard, puis qui avait déjà fait la pochette d'un groupe d'amis à nous qu'on connaissait, puis de Dragon Force aussi, je crois. Ouais. Puis de là, on l'a contacté, puis il a accepté de faire la nôtre. Puis un gars super professionnel, puis comme tu peux le voir, qui fait de la super belle job. Là, fait que je tiens à le mentionner quand même. Oui, ben ça, en fait, justement, la pochette, ben c'est, on peut voir une ville là, avec qui perce à travers les nuages. Puis c'est ça, Dan, il a été super, lui, il a vraiment compris vite le concept. En fait, on lui avait parlé des paroles avant que l'album sorte, là, de In the Haze That Surrounds Us. Puis on lui avait expliqué un peu c'était quoi le concept. Là, on voulait justement avoir une ville un peu post-moderne, qui est comme un peu à l'abandon, qui perd justement que les gratte-ciels sont tellement hauts qu'on est rendu qu'on va plus haut que les nuages. Fait que c'est un peu ça. Puis il a vraiment fait une belle job sur la pochette pour vrai. Là. Le premier coup, c'était ça qu'on voulait. Là. Puis un très beau livret à l'intérieur avec des photos puis plusieurs pages, donc c'est quelque chose qui fait très riche. Et il y a un petit côté là, fin du monde, là, que je trouve là, avec le ciel rouge et les gratte-ciels, on dirait qu'ils sont un petit peu en ruine aussi. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est ça le concept de In the Haze That Surrounds Us, c'est un peu. En fait, j'avais pensé à ça, c'est que des fois on pense qu'on fait du progrès puis qu'on est toujours en train d'améliorer la société en général, mais peut-être justement c'est pas ça qu'il faut faire. Faut être plus conscient des conséquences du surdéveloppement, tu sais. Fait que c'est un peu ça, les gratte-ciels qui vont plus haut que le ciel, puis au final, ben c'est ça, c'est maintenant à l'abandon, tu sais. C'est un peu ça le concept de la pochette là. L'un des principaux objectifs de Universe Effect, c'est de rallier de manière originale les sonorités modernes aux racines du genre progressif. Toujours via votre communiqué de presse. Quel rapport vous entretenez avec la musique progressive? Ben, si je prends pour ma part, là, moi, mes parents, c'était des amateurs de musique progressive, puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours entendu les noms, là, Genesis, King Crimson, puis ça, c'est des trucs qui jouaient là, parfois chez moi, fait que c'est sûr que quand on baigne là-dedans depuis qu'on est jeune, ça nous influence, puis il faut quand même être tributaire de ceux qui sont passés avant nous, puis je pense que c'est important de s'en inspirer, là, puis de pas renier les racines du genre. Et c'est des belles références, Genesis. Je pense que ça demeure un incontournable. Je pense qu'ils ont généré beaucoup de rejetons aussi, là. Il y a beaucoup de monde qui s'en sont inspirés, plus ou moins. Même si la musique qu'il y a sur votre album, ça sonne pas années 70. Ça sonne bien moderne. Ça sonne années 2000. Mais on sent quand même. Moi, j'ai trouvé. Je sais pas si dans ton cas, Francis, un gars comme Keith Emerson a eu une certaine influence sur toi. Ben Keith Emerson, en fait, j'ai été un petit peu plus dans le influencé par, je pourrais dire, les années 90 là, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ben j'écoutais avec mes cousins et mon oncle, justement, on écoutait du Liquid Tension Experiment, on écoutait Dream Theater, on écoutait du Rush, c'était ce genre de band-là. J'ai écouté, oui, du Pink Floyd, du Yes, mais Keith Emerson, c'est venu plus par après. Moi, c'est sûr que ce qui m'a donné le goût de jouer du clavier avant tout, c'était Jordan Rudess de Dream Theater. Je savais pas que tu pouvais faire ça sur un clavier. Moi, je jouais du piano. J'ai une formation en piano classique. J'ai commencé piano classique quand même jeune. Puis quand j'ai vu le premier show que j'ai vu de Dream Theater, c'était Dream Theater live à Budokan. Puis quand j'ai vu Jordan Rudess avec son clavier qui tourne sur un trépied, ça m'a comme fasciné. Puis c'était un peu comme ça, je me suis acheté mon premier clavier là, à partir de ce moment-là. Puis j'écoutais des pièces là, de Liquid Tension, puis je comprenais pas que tu pouvais juste faire des solos quasiment de guitare sur un clavier, tu sais, fait que c'est ça, c'est un peu ça mais mon influence, c'est sûr, majeur, le monde vont sûrement un peu l'entendre sur notre album là, c'est sûr, ça fait partie de moi, mais comme là, moi je fais aussi du jazz, donc j'écoute beaucoup de pianistes jazz, là je suis quand même très influencé par le jazz, le classique, puis les claviéristes, comme il y a aussi Rick Wakeman que j'avais écouté aussi là, pas mal, fait que c'est un peu ça mes influences là. Je te parlais de Keith Emerson parce qu'il y a des envolées de piano qui m'ont fait un petit peu penser à ça, mais c'est peut-être plus parce que vos influences sont un petit peu les mêmes étant donné ta formation classique. Ouais, c'est sûr. Ben, et aussi le fait que comme je disais, c'est sûr que John Rudess a été une influence majeure dans mon développement au jeu au clavier, mais John Rudess a été très influencé par Keith Emerson, donc ça se reflète un peu dans ma personnalité aussi là, en tant que pianiste là. Moi j'ai l'impression que Jordan Rudess dans Dream Theater, il me semble qu'il est sous-employé, il me semble que c'est peut-être le mixage final qui donne ça, mais on dirait qu'il ressort pas beaucoup, mais en tout cas pas assez par rapport à son talent. Ouais, ben en fait, je pense plus aux albums un petit peu plus récents là, depuis qu'ils ont changé de drummer là, maintenant c'est rendu Mike Mangini. Ouais. Ils ont comme pris une tournure un petit peu plus métal, mais il y a quand même un retour là, on entend un peu les parties de piano, je pense par exemple Train of Thought, cet album là, il y a pratiquement pas de clavier, même qu'il se demandait, je pense, à un certain point, qu'est-ce que je vais faire sur cet album-là. Il y a juste de la grosse guitare avec de la grosse batterie métal, je sais pas ce que je vais faire. Mais justement, lui, c'est ça que je trouve intéressant de John Rudess, c'est que il va prendre une pièce, puis il va quand même essayer de s'adapter, même si c'est pas lui qui va être à l'avant-plan. Il va essayer justement d'avoir un son qui va bien, qui va faire un bon mix avec la guitare, tu sais. Puis c'est un peu ça, c'est lui qui a un peu révolutionné le style, le rôle du claviériste dans un groupe aussi, à créer plein de sons différents pour créer des ambiances. Fait que, mais reste qu'il y a quand même pas mal, il fait beaucoup de solos, il est quand même présent dans le groupe, mais c'est sûr qu'il y a parfois qu'il pourrait être un petit peu plus à l'avant-plan. OK. J'avais une question sur vos influences, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Indies That Surround Us regroupe 8 compositions originales totalisant 70 minutes de musique, on en a parlé un peu tantôt. L'album offre des pièces variées aux textes métaphoriques et aux concepts élaborés, allant de la ballade acoustique jusqu'au métal symphonique. Parlez-nous des concepts et des thèmes abordés. Ben, le concept, on en a parlé un petit peu tantôt quand on a parlé de la pochette, mais sur chacune des pièces, les thèmes que vous abordez. En fait, ce qu'on essaie de faire souvent dans nos textes, on n'essaie jamais de nommer, par exemple, les gens ou peu importe. On essaie toujours que ça soit d'une certaine manière objectif, que ça porte un regard sans c'est ça, essayer d'avoir tout un regard objectif sur une situation. Je prends par exemple Against the Influent. Qu'on a écouté tantôt. C'est ça, cette pièce-là, ça parle un peu de les actions qu'on peut faire, les petites actions qu'on peut faire si tout le monde si on est plusieurs à le faire, ça peut avoir des grosses conséquences. Ça part un peu du principe de l'effet papillon, là. Si un battement d'ailes de papillon peut provoquer une dépression d'air pour créer un ouragan, c'est un peu ça, sommairement, c'est l'effet papillon, là. Mais c'est un peu basé là-dessus, c'est que faut pas se laisser mener par une seule personne qui est en fait le influent, là, de cette pièce là fait que c'est un peu ça, Against the Influence, c'est de se réunir pour pouvoir être maître chez soi, en fait. C'est un peu ça le concept de cette pièce là sinon, tu sais, je prends par exemple Equilibrium, mais c'est un peu aussi dans la vie, c'est faut chercher l'équilibre, faut être vertueux, faut pas, en fait c'est de jamais aller dans les extrêmes, de toujours avoir une idée fixe, mais de tenir à ses idées, mais que ça soit toujours dans un certain équilibre, là. Sinon, si je peux parler du concept, la trilogie là, qui dure une trentaine de minutes, ça c'est un petit peu plus comme une histoire. On essayait quand même d'avoir, c'est une métaphore. On essayait d'avoir un peu, c'est un peu un regard sur la société qui est un peu, comment je pourrais dire, qui se fout un peu de l'environnement, ou grossièrement c'est un peu ça l'idée derrière le texte. En gros, la première pièce, c'est un peu à l'apocalypse d'une planète. Puis c'est ça, en fait, la planète est en train de se détruire, puis tout ça. Puis après ça, on part à Lost in Time, qui est la deuxième pièce, qui est la balade acoustique de l'album. Ben là, c'est que toutes les âmes de cette planète-là se ramassent un peu dans le vide, puis ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils ont fait, pourquoi ils se sont rendus à une apocalypse, en fait, puis tout ça, puis d'avoir un regard sur eux-mêmes. Puis la troisième pièce, c'est que ils se rematérialisent, puis essaient d'agir différemment. C'est un peu ça le concept, là, en gros, là, de cette pièce-là. Fait que l'album est pas mal basé un peu dans cette thématique-là tout le long, là. Ben, on va écouter une autre pièce qui s'appelle The Artifact, et on revient tout de suite après avec Universe FX. We'll be right back. days been dragging on without you. A destiny that gone so wrong now belongs to you. I'm walking away from you. I'm walking away from you. She's a world away. This quiet, hooded stranger makes her way. Please excuse me, sir, can you help me? Where can I find this man? Sorry, I can't speak, someone is waiting. Yes, I understand. As her will starts to fade and all but disappears, like a ghost, suddenly a boy standing there, and all is clear. For your father, and I promise I can help. Now take my hand, we haven't time to spare. One more day. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retombe plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci au service des plaques porte-clés des amputés de guerre. J'ai perdu mes clés et la télécommande de ma voiture dans un parc. Plus tard, j'ai eu l'heureuse surprise de les recevoir par messagerie. C'est un service hors pair. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputedeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Du 14 au 18 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 29e édition. Plus de 1000 participants sont attendus à Québec pour cet événement qui met à l'honneur la danse, la musique, le théâtre et la chanson. Pour tout savoir sur le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, CKRL présente Bourse Rideau, animée par Tania Beaumont, diffusée en direct du Centre des congrès de Québec le mercredi 17 février, de midi à 14h. Diffuseurs, producteurs, conférenciers, artistes et chroniqueurs seront présents pour vous faire vivre leur Bourse Rideau. Une collaboration de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, Rideau, CKRL 89.1. Le numéro 6 de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par Caton, retrouvez dans les dessous de la création une entrevue avec l'infatigable éditeur de Pow Pow, Luc Bossé. De son côté, Sophie Bédard vous montre à quel point c'est difficile de devenir une sorcière. Découvrez également plusieurs auteurs talentueux jamais publiés auparavant au Québec et de jeunes auteurs comme Xavier Cadieux, Catherine Bard et Simon Barbary. Planche en kiosque dès maintenant. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique rock, progressive et métal. Démentiellement vôtre les vendredis 22h avec Olivier Saint-Engaille-Bercelli, Illusion auditive les samedis avec Vincent Delisle et Jacques Dulac, et Terra Incognita les samedis 22h avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Bruno Côté et Jean-François Lamarre. Oh, ça couperait, Bruno! dans le dernier bloc, on a entendu Dream Theater de leur nouvel album qui s'appelle Astonishing. On a entendu Ravenskill. Et juste avant, c'était Downriver Dead Men Go. L'album, c'est Tide. Et ça aussi, ça vient sur l'album Progressis 83, le disque sampler qui vient avec le magazine. On en parlera un petit peu plus tard. Et bien, de retour avec Dominique et Francis, donc on a entendu une belle pièce qui s'appelle The Artifact. Et ben, tantôt, je voyais Vincent, pas Vincent, Francis, je pensais à Une Heure Odyssée. Et ben, je voyais Francis qui faisait les notes de piano, ben, en fait de clavier plutôt. Puis ben, tu me disais que c'est parce que vous aviez pratiqué, Dominique et Francis me disaient qu'ils avaient pratiqué pour une vidéo. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, ça faisait un moment qu'on avait ça comme projet, mais tout récemment, là, il y a 2 semaines, on est allé au LARC, là, au studio de l'Université Laval, qui est tout neuf, un très beau studio pour enregistrer ce qu'on pourrait appeler un live session, parce que c'est pas vraiment un vidéoclip, puisqu'on fait pas semblant de jouer, là, on jouait vraiment les pièces, là, en one take, puis avec, en plus des caméras vidéo pour faire une vidéo avec ça de nous en train de le jouer en studio. Puis on va garder le son qu'on a pris dans le studio là, puis ça nous donnait un peu un effet plus live dans le fond à la pièce. Ça va être un peu différent de sur l'album, mais on va vous garder la surprise pour les pièces, mais ça devrait être disponible dans les prochains mois là, bientôt. Donc c'est pas une mise en situation, là, une espèce d'histoire là, c'est non, c'est vraiment une pièce live là. Ouais, en fait on a 2 pièces là, puis c'est ça, c'était pour ça va être intéressant pour les gens de nous voir en train de les jouer. Et ben tel que promis, je vais être averti quand ça sera disponible, puis on en reparlera à l'émission. Et on a parlé un petit peu aussi d'un collaborateur qui a travaillé beaucoup avec vous, c'est Alexandre Hudon. Qui est un peu le sixième membre, si vous voulez nous expliquer un peu pourquoi. Ouais, ben en fait, Alexandre Hudon, c'est ça, ben c'est mon cousin qui est musicien aussi, lui, il joue de la batterie. Il a fait ses études à l'Université Laval, son baccalauréat en interprétation de jazz, puis sa maîtrise aussi. Puis d'ailleurs, lui maintenant au Cirque du Soleil comme batteur de tournée. Puis c'est ça, en fait, lui, il est bilingue. Moi plus chanteur dans le groupe, je dirais que c'est nous autres qui a le meilleur niveau d'anglais. Par contre, c'était la première fois qu'on écrivait des paroles. Alexandre, lui, il avait déjà eu d'autres groupes. Il travaillait beaucoup sur les paroles dans son dans ses anciens groupes. Fait que je savais qu'elle allait pouvoir me donner un autre point de vue de sur nos paroles, puis qu'on puisse les retravailler. Fait qu'en plus d'avoir un excellent anglais, Alexandre, puisqu'il est musicien, il sait comment placer les syllabes, les accents. Les accents tonales de chaque mot sur les bons rythmes, fait que pour que en fait notre anglais soit correctement prononcé, c'est sûr que le groupe on aimerait ça que ça marche, que ça ait une qualité internationale, puis que peu importe à travers le monde puisse écouter notre musique puis apprécier pas juste la musique derrière le chanteur, mais aussi les paroles, puissent comprendre ce que le chanteur dit, c'est sûr. Fait que c'est un peu pour ça là, qu'on a fait appel à Alexandre, qui a fait aussi une super belle un super beau travail aussi sur il y a la narration, c'est lui qui a fait la narration sur une des pièces qui s'appelle Entropy, qui est dans la trilogie. Avec sa grosse voix de radiophonique. Donc c'est ça. Ben oui, c'est on prend ça pour acquis là, que on chante en anglais quand on sait quand on est bilingue, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Pour rendre ça intéressant, ben faut maîtriser comme faut la langue et écrire quelque chose d'intéressant qui s'écoute bien, ben c'est pas si évident que ça. C'est sûr que nous à la base on est tous on est avant tout des musiciens, puis comme je disais tantôt, pour nous c'est plus évident d'écrire de la musique que des paroles. Alors on désirait s'entourer des bonnes personnes pour nous aider, comme Francis l'a dit, à le perfectionner, en fait. Oui, perfectionner, exact. Que ce soit pas nos paroles qui nuisent à notre musique au niveau international. Et d'ailleurs, le groupe avait commencé comme un groupe instrumental, hein, qui interprétait des chœurs de progressifs, d'après ce que je voyais dans votre dossier de presse. Et ben, pour revenir sur les compositions, on l'a dit tantôt, qui est accrédité pour ce qui est de la musique là, aux 5 membres, mais les textes sont crédités à toi, Alexandre Hudon, et au chanteur aussi. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous jammez dans un local et il ressort quelque chose, ou un membre apporte une idée que les autres travaillent? Ou... Ben en fait, comment ça fonctionne? Ben spécifiquement pour les paroles, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de concepts ensemble. On va faire une espèce de brainstorm en groupe. Si le monde a des idées, ils ont pensé à des concepts, une histoire ou peu importe. Puis on va écrire tout le monde ensemble une espèce de résumé de l'histoire de la pièce. Un plan, si on veut. Un plan, ouais, c'est ça, un plan. Puis c'est ça. Après ça, à partir de ça, ben on va comme faire un, c'est ça, pour chaque couplet, de quoi on parle pour chaque couplet, déterminer chaque sujet. Puis à partir de ça, c'est ça, moi puis Gabriel Antoine, on va se réunir, puis on va écrire les paroles, on va essayer de, moi je vais arriver avec un couplet, il dit ah ben moi je changerais peut-être telle phrase, ou lui il va arriver avec l'autre couplet. C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné tout le long du processus de l'album. Alexandre est arrivé lui vraiment à la fin, quand on avait pas mal tout écrit les paroles, puis il a donné ses commentaires, il a fait une écoute objective de qu'est-ce qu'on avait fait, puis il nous a dit les modifications que lui apporterait, puis sincèrement il a fait vraiment un travail colossal là, sur nos paroles là, pour rehausser la qualité là aussi là. Mais c'est ça, en fait c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on fait les paroles. Instrumentalement parlant, Dominique, tu peux peut-être en parler. Ouais, mais en fait, c'est quand même un processus qu'on a développé par essai erreur, parce que au départ, il y avait pas vraiment de recette là. On y allait essai erreur. On avait composé des premières pièces qui étaient totalement instrumentales. Par après, écrit des paroles pour aller dessus, tout rechanger la pièce pour que les paroles s'incrustent bien dedans. Puis là, c'était plutôt laborieux là, c'était long. Puis l'idée du plan, dans le fond, ça nous permet maintenant de savoir exactement combien de couplets on a besoin, où ils doivent être placés. Alors, on peut avancer autant la composition instrumentale en parallèle des paroles, puis on gagne beaucoup d'efficacité de ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la composition strictement instrumentale, c'est ça, souvent, quelqu'un a une idée, on se réunit pour pratiquer, puis... mais c'est un peu le même principe que pour les paroles. On en discute avant de commencer la pièce. Qu'est-ce qu'on voit comme genre de pièce instrumentalement, puis de quelle façon on peut illustrer en musique l'idée qui se dégage des paroles. Puis à partir de là, on part de certaines idées, puis on évolue ensemble à cinq. Là. Ouais, mais c'est un peu ça aussi là, pour justement les paroles là, comme Dominique disait, c'est que nous autres on a été longtemps un groupe instrumental avant d'avoir un chanteur, fait qu'il y a beaucoup de pièces qu'il a fallu réarranger là en fait pour faire fitter du vocal en fait là, pour avoir des refrains, des choses qui reviennent là. Il a fallu faire une couple d'adaptations là pour ça là. Puis, en ce qui concerne les autres musiciens de Québec, je sais que vous entretenez un certain rapport avec Ineur Odyssée, mais est-ce que vous connaissez les autres musiciens de Québec? Est-ce qu'il y a un petit peu des collaborations qui se font? Ben, ouais. Je dirais que ça commence, là. Nous autres, notre album il est sorti le 25 février 2015. Ouais. C'est ça, on a fait... Je sais pas combien de shows à Québec. À Québec, on a fait peut-être. C'est plutôt autoproduit seul à Québec. Ouais. Là, la dernière fois, c'était avec un groupe de Montréal, là, Fractal ouais. Cypher. Mais là, on a, pour ce qui est plus des groupes de Québec, il y a plusieurs trucs en développement. Mais là, on a un d'officiellement annoncé là, dernièrement qui va être le lundi 7 mars à l'Antibar et Spectacle. Puis ça va être avec les gars de Piezo puis Elward. Puis pour nous, ça va être une première collaboration avec eux autres. Puis ça devrait être bien ben plaisant. Hein. Oui, puis c'est ça, je suis en discussion justement avec Vincent là, pour essayer de planifier quelque chose avec Inner Odyssey. C'est sûr qu'il y a de l'intérêt de part c'est, et d'autre. C'est là. Sûr qu'il y a de l'intérêt, là. Puis, je sais pas, il y a d'autres groupes aussi, là. Peut-être une soirée de prog, là, avec des groupes de Québec, là. Je pense il y a Gentle Giant. On pourrait faire un... GG Project, on pourrait faire une espèce de comment je pourrais dire, évolution du prog là, avec plusieurs groupes là. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est sûr que c'est en discussion là. En coulisses, il y a plein de choses qui se trament là, tranquillement, mais à part celui du 7 mars, on n'a rien d'officiellement annoncé en ce moment là, mais... J'ai déjà entendu, il y en a qui disaient, ben, il y a longtemps, là, c'était plus avec la scène de Montréal, mais il y en a qui disaient, ouais, mais il y a trop de groupes, ça fait concurrence. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça attire l'attention, justement, quand il y a plusieurs groupes. Ils sont très nombreux à Montréal, puis c'est pas évident d'aller jouer à Montréal parce que l'offre est tellement grande. Là. Tu vas jouer un soir, puis. Il y a à peu près 15 shows là, la même soirée. Alors, de faire déplacer le public au tien, c'est jamais évident. Je dirais que d'une certaine façon, c'est quasiment plus facile jouer à Québec. Puis le public répond toujours bien ici aussi. Ouais. Bon, mais pour l'instant, on va écouter la pièce titre, In the Haze That Surround Us. Floating by, shadows soaring high, piercing through the sky, rising up beyond where we would dare to fly. Fragile nations built on. Cleaning

jungle groove and now lies dust. The lands of earth are turned to carbon, incinerated, no chance to adjust. The firestorm raged, unchecked, untamed. Without the rain to quench its thirst, all of life's diversity destroyed. It raised no witness to the loss. The ocean laughs against the houses where children used to play their games. The dreams of a billion hopeful parents drowned out, and nothing remains. The seven seas have turned to acid. The coral reefs are all long gone. The shoals that swam the seas for eons, extinct forever, never reborn. A thousand cities lie submerged beneath the melted ice and snow. Unlit, abandoned to their fate in the dark and gloom. My father. soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 43 73, labarberie.com. C'est KRL 89.1. Here we go again, give you more, nothing lesser. Back on the mic is the anti-depressor. And rock, no pressure, yes we need this. The best is yet to come in, yes believe this. Let go of my echo while I flex my EO. Sip on Prosecco. Québec. On a terminé ce troisième bloc avec Credo, un ancien groupe des années 90 qui n'avait pas donné signe de vue depuis longtemps, et ils sont venus avec un album qui s'appelle Against Reason, et on trouve cette pièce-là sur New Species volume 21, et qui vient avec le magazine Progressist numéro 83. Et on avait débuté ce bloc avec In the Eyes of That's Around Us du groupe Universe Effect, qui est encore avec nous. Et quelques questions pour ce dernier bloc. Donc, In the Eyes That's Around Us a été lancé en février 2015, comme on avait dit tantôt. Quel accueil vous avez eu jusqu'à maintenant? Juste commencer, Dom. Oui, ben, juste sur la scène locale, ça a quand même bien répondu. Là. C'est sûr que si je peux commencer par parler juste de nos proches, là, ça faisait quand même longtemps qu'on avait ce projet-là. Puis il y a pas mal de monde qui avait hâte d'entendre sur quoi on travaillait depuis aussi longtemps. Mais non, sinon, c'est quand même étonnant aujourd'hui avec Internet comment ça peut se diffuser vite. Là, Le lendemain matin là, du spectacle de lancement, déjà, là, on a eu un peu de misère à gérer notre boîte courriel là, sur ça venait un peu de partout, là, des États-Unis puis de l'Europe aussi. Là, pour des commandes? Ben, entre autres, puis pour il y avait beaucoup de questions parce que je crois que quand on a lancé, notre site n'était pas tout à fait au point sur le parce qu'on a un espace marchand là, sur notre site où on peut acheter des albums puis des t-shirts, puis il était pas tout à fait finalisé au moment de la sortie. Fait que il a fallu gérer la demande là, de quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des albums, puis Mais ouais, c'est vrai que ça a été surprenant. Internet, ça propage vraiment vite la musique. On était les premiers surpris, nous autres on lançait ça tout bonnement à Québec là, au Cercle. Puis ça a sorti comme ça là, sur Internet. On avait déjà des messages là, à l'international qui demandaient des albums. Mais jusqu'à maintenant, on a quand même vendu une couple de CD là, en Allemagne, je sais pas, en Belgique, aux États-Unis évidemment. Mais ça, je dirais que sur les c'est ici peut-être qu'on, ben quand je dis ici je parle au Canada là, qu'on vend peut-être le moins d'albums là, quand on regarde autant numériquement que physique là, c'est quand même beaucoup les États-Unis puis l'Europe là, qui a plus de demandes là. Ah, bien, il y a un adage pour ça, nul n'est pas fait dans son pays. C'est ça. Malheureusement. Et donc, c'est surtout via votre site Internet que l'album est disponible. Est-ce qu'il est disponible aussi en magasin? Il est disponible pour les Américains. Il est dans un magasin au New Jersey, puis en Allemagne aussi. Mais sinon, au Québec, là, c'est quand on fait des spectacles ou par notre site Internet, puis de façon numérique aussi, plusieurs façons, là, sur iTunes, Google Play... Amazon musique. On peut se procurer de plein de façons. Donc, on parle de spectacle. Vous l'avez mentionné un peu tantôt. Lundi 7 mars, au bar L'Antibar et spectacle 251 rue Dorchester. Et vous serez avec Hillward et Piezo. Exact. Et c'est dans l'ordre qui est mentionné. J'ai vu ça sur Facebook. Oui, bien, on est encore à peaufiner les détails, là, mais... ça devrait, de ce que j'en comprends, ça va être une formule, un genre de quarantaine de minutes chaque, puis Puis l'ordre n'est pas tout à fait établi encore, mais je crois bien que Hillward étant les organisateurs, ils vont certainement clôturer la soirée. Là. Oui. Là, il n'y a pas de première partie. Là. C'est une collaboration. C'est une collaboration. Chacun à peu près le même temps. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment un show trip, là, qu'on pourrait dire. Là. Puis c'est une belle occasion pour ceux qui n'ont pas encore visité l'Anti depuis la refonte, là, depuis que c'est anciennement l'Agité, là, qui ont fait quand même une belle job de rénovation dans la pièce. Là. C'est intéressant. Ouais. Ben oui, il avait organisé un Noël Prog avec... Ben oui, on y était d'ailleurs. Ah, vous étiez là? Oui, en tant que public. Puis une belle soirée. Ben oui, ça a été le fun. Oui, oui, oui. Oui, ça va être bien plaisant avec des prestations acoustiques de Inner Odyssey Awards, justement. Ben oui. J'ai cru comprendre que ça allait être que ça allait se répéter dans les années à venir. Puis, oui. Le public a plutôt bien répondu. Oui, j'ai cru comprendre effectivement qu'il y en aurait un l'année prochaine. On devrait être là encore une fois. Ben oui. Mais ça va être un type de soirée semblable, si on veut, le lundi, puisqu'il va quand même, on va être quand même avec trois groupes progressifs de la ville de Québec. Alors. Fait que c'est un beau rendez-vous pour les amateurs de prog pour venir nous jaser ça aussi après le spectacle. Là, ça devrait être bien plaisant. Ben oui, on se donne rendez-vous donc le 7 mars. Et en attendant, ben on va entendre une pièce de Piezo. Ben merci. Ben merci à vous. Ben je vous remercie. On a eu bien de plaisir avec vous. Donc on entend une pièce de Piezo sur leur album qui est sorti ça fait à peu près 2 ans. Remembrance de Silent Life. I wonder why. consider myself a simple soul. Of my pleasures I cherish one. For me I like to feed the troll. Et c'était The Mute God qui comprend parmi ses rangs Nick Begg qui a joué avec Steve Hackett. Et il y a aussi Marco Miniman qui a joué avec toutes sortes de monde, dont Steven Wilson. Et bien, c'est déjà tout pour nous autres. Il reste juste une pièce. On va entendre une pièce de Kinetic Element qui sera au festival Terrain Incognita. Et ben un petit rappel des groupes, RPWL qui va jouer un show de Pink Floyd, The Man and the Journey, qui jouait à la fin des années 60. Et ça, c'est pour le vendredi soir, le samedi, Inner Odyssey à Belgans et RPWL qui joue son répertoire. Et le dimanche, Kinetic Element, qu'on va entendre à l'instant, Unreal City et Sylvan. Mais là-dessus, on recevait Universe FX. Et ben merci encore une fois d'avoir été là. Et on les voit lundi le 7 mars. Et pour l'instant, on écoute Kinetic Element.